C'est entre tes mains. Il était une fois un roi qui était très en colère contre un vieux sage, car le peuple avait beaucoup de respect pour lui et lui demandait conseil à chaque fois que l'occasion se présentait. Le roi en était jaloux, au point de ne pas pouvoir dormir la nuit. Il se demandait comment il pourrait être plus rusé que le sage. Soudain, il eut une idée. Il appela ses ministres ainsi que le vieux sage. « Oh toi, homme sage parmi les mortels, je voudrais te poser une question. Dans ma main, je tiens un tout petit oiseau. Dis-moi s'il est mort ou vivant. » Le sage comprit immédiatement le plan du roi. Il savait que s'il disait que l'oiseau était vivant, le roi serrerait son poing si fort qu'il tuerait l'animal. S'il disait que l'oiseau était mort, le roi ouvrirait sa main pour laisser partir l'oiseau. Dans les deux cas, sa réputation serait perdue. Le roi, s'impatientant, dit « Allez, donne-moi une réponse, toi qui sais toujours tout. Est-il mort ou vivant ?» Alors, le sage lui dit tranquillement « C'est tout à fait entre tes mains, mon roi. C'est tout à fait entre tes mains. »